Dingu. Patu, Bofosa, Andy, Masamba. Oh, manage ndege. Ziko stila kwa yindege. Shiko luzangu amini ndege. Kafe yo. Landry. Il faut kaka na mon elongi na yo Bazling. Yanga mote mes ongeli souffrance. A se retrouvé na komi rapproché na yoa. Evie Aponga. Oretire bisengo po instauré malheur. Jade Kauti. Bolinga déménagé komi nomade. Sans toi nga na zati. Si deji mapata mote mangia ma wepi ma chisel fongo. Ta maman qui t'aime beaucoup. Tu m'as beaucoup persécuté, Kimberly. Le reste la congolaise. Jamila Tirbo. Les os au panneau, le la chute à l'ouka y a tati. Maman, t'es ma secope, la papa, bien balina qui va à l'état. Terminal A. Donc, les os, c'est là, c'est présent, ça m'a donné la lumière. Et pas la malheur, ça l'a qui me dit comme maman, t'es un beau comme un dodo. N'a pas soi, kaki, n'y a rien, c'est pas la yoko qui me dernier. Mais ça, je te kelina, le cola, non, pas un souci. Et tu n'as pas la salle à prière à Aphrodite. Chico Kelly n'a plus de mon gosso. Et ce qui s'y monte, ma yébola moussiko et n'a pas de vie. Si tu mets une erreur, je ferai cette erreur toute ma vie. Et je kika. Mon compte en gaba dit bien zombo. Ah bah, et baka bon la maman toka kasoki. Ah ouais. Et le commenté me lingue, ce que j'étais à la ka. Ma bé. Junior Bongongo, Olivier Maleba, Kik Masanga, Papi Van Kanto. Miko Sarkozy. Mwanga. Soleil Ngonga. Nzoko lembaka mino na yete. Ata balobinga koti ko jamais. Kimoliwa Kimberly. Tu es l'auteur de tous mes mots. Que veux-tu que je te dise encore? Je ne peux pas, trésor canon, je n'arrive pas. Sécher mes larmes, mon compte est vital caméra. Bolingo na nga dadi, yama na monyeza kaka yo. Yane libana, yama na monyeza kaka yo. Na moni neti, tamba mosusu bolingo ezate. Ingenieur Chalke Kita, tamba mosusu bolingo ezate. Dadi. Daddy Soso, na konyo sala beso mi pona yo imota papi chonyanse. O sinye pede more chedere muzangu na merite angote. Bana zangi mwaye na reye kumbo na ngana bukwa basu fans. Hey, nzakomba, nzakomba mimi ezo yelanga. Hey, alisi baba lerwa. Motema na ngatini na mbozana yo kimberni. Yaga yaga yaga fizé chiba swé. Dorothée Mafuta, Maloubo Mboka. Tine Mboka, Mwani Nino. Frakwe papa malo wana numo sasa. Mwana moninga zone la ozo katamba wate. Nalele na zisma kukula Franky Langa. Patrick Kalombo. Nathalie yona moseka ozo kendo tala tasi mate kindami. Sita mfetia keli kwea Loret Poto. Moki Buma. Kate bebe, yo kane se valwa. Ya ke fuebre na makubo. Kimberlie, nana wiyo kayo. Mosho waka mosa kina nyelo nye komi loke. Peska ya tomata foto kukwa kumaka na kwei. Mboka topo na kito gripe koti kere mawato. Na kwa mito baka kasole ingomba. Pamela Umu. Nanano na mekipa cheri kongolo yokanga doska singa chuchu lwamwe. Ebolingo nanga yoki. Alain Kutula. Bolingo memanga na mboka yokoki. Dadi Mavungu, Trésor Chango, Batika lobena Sony Tony Mbongo Adosha Papa na Landry Fabrice Koi De cœur du que mes bâches de toi mon limoano Et comment change Osala qui obéna de prouva Le nom comment chalongwa Quel majeste toi, Bolingwa Nano, et comment tu l'as? Yo Bosani, que c'est lui qui s'excuse, s'accuse. Na Bolingwa est à la Kabongo, et pourtant, na Bolingwa, ma tata t'es douce. Caresse ton dresse, na Bolingwa, et c'est plus alors. Anga et bela confiance, nanga na kabela yo. Loco la chauffeur, la rétroviseur, na moteur, ce qu'ils ont en place. Qui Fukiani, Pichu Kifaya. Nene Vambi Tequila, maman a prévidi. Tante, Wapi maman a Josué. Olivier Madiata, papa Cyprien Goyi. Atabake Mbalove, Nathalie Bungi, bisou. Ben Moukacha Mona Malemwela, le Sapelok. Comme c'est mon sympa. Didier Efuka, Honoré Mavouzi. Benjamin Militoni, Malou Bomboka. Alice, on a quitté Benga, moi t'en as mis en appel, non comme la mouche, pas de mes décœurs, dit Kembeb. Mais pourquoi, comme on dit, Kafifi, ou Tchatambola, n'a pas de qui s'en bonne. Papi Kabaya, mon rôle, la kakingaï. Oyo, Nazali, comme on a baïe, n'a côté, bébé, santa. Chérie, mon rôle, la kakingaï. Oyo nazali komona ba efe na ngote mamude kuva Jiluki, Jeje Loya na Madrid, Gode Yamba Ismaele Tima, nzambe kutu moto wa sala motema Akomane koka mwaka, nenge na komiso ya laserke Pufanda kayo moko na katie ya wira nsomoza Lobana, lider Ma petite rouge à lèvres, 4 saisons, Ira Chomba, Eric Ndala, Richard Kabala. Elengina yo esilinda iteo, yaka ko savoure ngayi. Adèle Ngalula, Ponare, na Pavio 5. Sousou, pas sentima yaki po mwana, Gimalela, loko la devis, na mouri za la kate. Moko aboya moninga e Karini Yakini Yango wana Pusa nange paina yo Esili na note Julien Mbala Alain Kukula Ejeni Kas Jivensi Ngoi Asala pe mingi Poyo koma nge Cheri boli mwango la kakina Koli masaka kore bilanga Limbaka momo konti abanda Voilà. Ah. Merci, vous avez bien dansé. Tika na yo kocha bakal po ekosimba na yango te. Gérard Fulampinga, Fedenzaya, Kongolo Mushika, Blaise Mfumo, Dido Marikani. Baswa bakuyalo lango mingi batika Bonini ngana tingama yeye Bamela na makila na bomwa na kutu bakabwana Bonini na mitungisa homa Naleki sita mwana ngaipamba Talebela buzoba na latio katia nzoto Kochola na choli nakona na opeo Obelo kola mae bale kochola ka Seko mamae Tati de monti kil koltan Omoni la patience pe Moussa Kansai famille royale Ozu wa kinga inabile mbo tena nzoto Boni olingi otika mana bile mbo Mobali oyo Nani olingi ezongi sangai Nalibala oyo Gifoli kitoko Mobali azwa kinga bo mwana yo yo yo Alingi ya komisanga ipaka likolo bazwa na ye Tika ngai na kende yo yo De Willy Roy Tinambo, Flavien Dolix, Frank Mbambi, Fololo Etambe, Didier Mankonko Esengo ya libala wapie Posa libale zali kasi na boiko zonga Zapato sokie kosuwa na lokolo Suka seo longola Koyo pema na pemi Frank Yoka Na pemi Lia Lia Baya Martin Kama na pemi yoyo Esengo ya libala wapie Susi ya banezali kazi na boiko zomba homa Zapato sokie kosuwa na lokolo Suka seo longola Mata Baya Martin Kona Kingongo Kama yo yo yo yo yo Martin kama yo ka Kole la mwana mwasi e baya sali Lido A kompere Distributeur automatique Bonini Bolingwe bomba ka e kasi de na goya ni mosote Magene zaka na kanto na yo Toza la kato benga na chucheri kuku Djerba Nyaswe kwe na mayo Lukembesa Merci Martin Kama, baby Lelo Kimia, nanyo kwa mami Serge Kimiami, nanyo kwa mami Na baby, nasi Kimia Carlos Kabansu, John Tsona, fisa papa Didier Beyoko Pomif, Mavuzi, Paul, état major 5 étoiles Sport et business, maître le Mabé double one Eric Ngwashi, restaurant Caravia Yves Bazamba, international Jean-Didier Kikwata Koutoumi Makwata Beatrice Matante Deblanc Moukania, Lidi Lombe, Armando Ochudi Deblanc Véronique. Dani Zabana. Adios Boulantoulou, le bogard d'Espagne. Bango, papa mundabi na grand hôtel, Mipo Mwanangeli, Nathalie Pungi. Nala linga mobali yo si kalo, nala linga mobali yo jento ehe, boni mo pesima vraiment inoubliable, nakobosana jamais ni jamais. Patrick Bacha, Richard Zakala. Tango bolingo eko banda maloba sukali. Tango bolingo eko banda bakale na ba tendresse. Eko makati kati. Bomana, bomana. Papi matalatala ya Irene Kati Mwaluke. Pona nini boye nzambe. Pona nini ngana mona pasi. Mobali ngana linga. Pona nini boye nzambe. Pona nini alfonso mankolo selichi dipi. Na lovela kiyo yo talisi se motema na sens unique. E komi nga mona nga mweba loka tiso tapi nga loboko. Lopete na lati sona monsa pi obwa ki wapi. Se feo, na komi osi la loko la mwana nite. Na komi esite, na boli mwa jeto na zwa waki. Et même à talatala les chopins, t'es dit mon candil. Na lovela kio, yo talisi se mote mana sans unique. Et comme n'a mon anga mouba loka tiso pepi na loboka. Lopete na lati sana monsa pi Brigitte Mpaka. Se feo, na konyo si la loko la mouba na konyo si te. Na bo lingua chéri na zwa wati sigalo. Fanny Bichweka. Bébé Sergile, mon union qui t'aime à ta lilo batte. Salano qui t'en foutre à la pauvre présence d'ailleurs. basu basola et consola kamote mamba souci et dirija kama bando manga ye nanzela ya kito kwe chéri mukomene. Alesho ma banzo nanga ekomi trezeze c'est le fataki ekomi ndeko benda nzoto molimo mwana moto ekomi ndeko baba Melissa Pereira jeto komi singa na pwekale sigalo Mishka Lufa Sylvie Mampata jeto pesa nga esika na etola yonde imperméable nanga na mesa Katango malile koza na kana tongo tona pokwae Gima banza Mawa, mawa nange konyoso Mana loko lae Monoko ya kisengi Eko bomba kaso ite Amina Aye Eti merci Charles Lundama Reviens à moi Embrasse moi Dans les chambres de ton cœur Reviens Wae soko kinga na kuwa Oke mokuma yo tike lima kona Sara karanga te Yangora vengyo mboro Sara nera He he Eske te yo loba kina mi pesa Bongo yo kene Fisto mande ke tonto babachi Kotika na teo Na koka mwande ngevo Niwe sala kamoto Eko silisa testa Antoine Moussangaye Ma banzo nanga Eko mi trezele Felili te komi Ndeko benda nzoto Moli mwa mwana mote komi Ndeko banga Jeto komi singa na Kwekale sigalo José Mungala Jean-Jacques Fouta De Duskeina de Bing JC Darty L'entrepreneur le plus célèbre. Ah, maman, y'a pas une intelligence, c'est la mort. Roger Lino. Y'a préféré, y'a qu'un néné, y'a un angui. N'a salinine, maman. Toi, linine, mire, amour. N'a pas mis au bain. Johnny Luba, type, bitch, ba, petit, ma, congo, bitch, ma, y'a la papa. Ben joli. Tingonzi na moni anga ina yo ikoti baito perina na kamwe ikomi osala lufwa joda amu nga isoveta jete dadi mafungu erite skram tala yanga ifise dungu ekomi kokomi sanga fuda amu jambiki nanga e oh bolingo na yo ekotika la Grave dans mon cœur, à tabac jaloux, balou vitro, nana colanda te, kalinga nanga si yo, kunga. Bye bangana vita kaluchi, bye bangana yo, ombre sampiranga. Patrick Makambo. Bechento Ogeti galwa pesa kiboni mwa mobimba Ozongisi ya ndambo Na mituna kantambe soketia nibale loko nini na toto Ako nyoko lo sandra ngembi ya lingia bima inosan Abosa nina salimo panzi balongo la ena nzoto Leombala Bijou temoni Iget tuti Oh bolingo na yo Eko tika la toujours grave dans mon coeur Ataba jalou balo bitro Balobi group sanguin Bachanja Kaya Mote Diego Music Afula Talate Yoka Alimbonda La main d'or Maître Boris Modizo Pacho Panda Les députés Ouais Ma pasi nanga yotali pamba ye papi masita papi la bonze Olivier Mayasika Ipanda Ati Tumba Kufa Antoni kumuna pasi Nalile lingia mama kanda bambasi nanga Florenciala Yaka pembeni nanga Mkaleba korota Yaka wayoka maloba Lisi mwadia bombi Yaka pembeni nanga Marcel Yombo Yaka wayoka maloba Loya limbo na bo Plus force, cœur de lion, GI. Batamo kili bazanga mawa mama. Madimba, mawa mama. Madera, agence. Batamo kili bazanga mawa mama. Mawa mama, botika ngana kimwe. Atala kelela, kasi ezumese yang posale samba. Toi Patrice, Marie Misam. Mbongo, PDG Tama, Ansel Mbumba, Poule Poule Cha Gina Ikina Mawa Mama Ah, ma petite à volcan Batamo Kili Bazanga Mawa Mama Joli bijou Tantine Mawa Mama, Botika Mbana Kimwe Lissolo ya Maya Sika, Brice Moba British Ouais, Yezu Koto Mwana Nzambe, Asala Mabete, Kasi Babo Maye Ebongo ya Chantal Sandoukou, na salé bino nini Bondi kanga na vivre, ya jamatounou Olivier Moukou Nazali awa, ah, la masita Motema na mamo bimba ma na pesa na mamicho masita Na boi na sama na jela exito na tapete na mosa Fibele mali bala nanga Bijou bilo, baby sama fou, elle vit ses chouga, plique moula, la basse son fouble, de qui de qui cha, ni bali mon sousou, ni non loco, bali la moto sali colo ya bébou, papi esayo, yema o, papi la bonza, mami esayo, yema o, papa ye. Mama Trésor massif. Trésor massif. Manzwangani, Maître Goliath Misula, Trésor Mukuna. Allez mon chapeau, c'est la tête, c'est la tête. Allez mon chapeau, c'est la tête. L'idée de sa vie, pas si loin, ça y est, c'est la tête. Apôtre dit tout qu'à aimer. Keita, Mr. Maya Bolingo, ya na don't. Fabrice et Marco. Nana kuya mayanga. Simba Bamba, Eva Zobanga. Marcel Cagnol, Ima Panza, Nicolas Ekenga, Poule Lukisu, Elou Datombo, Koutouala Igwa, Payet Ikoza, Papi Matezo, Eloko Papi Betim, Moulele, Florin Toto, Don Dasi Matiadi, Kia, Boko Polo, Japonais Yadema, Eloko, Eloko Yamatelo, Janvier Dimonke, Eloko, Eloko Yamatelo, Eloko, Tessotemba Yamatelo, Elel Kambala, Eloko, Siandombala Yamatelo, Papa Mukiadi na mama Atondolo Mate ya bopesaka papi na Adrien Yango lelo eza ko salama Merci Nabino Ah Amnanga Adrien Mukiadi Otiango na ba oubliette na yo Ayuto na mesa na kio de gelé Na ba lèvre no papi Anita mama Ayuto na mesa na kio dine Na ba kale ba tan resta yo Filo Mukiadi Na niango ya komi koluka e Ay va ki e ngay na mute manay Bo ki koka Na niango a siliko sekestre Ba santi mana dile ginangay Sara ki koka Na niango ya komi koluka e Ay va se ngay na memoir na yo Me bolingo pukwa e zala kabongo Nzote boya Papi Mukiadi, Madelo Mukiadi et Tony Meso. Medio d'enfer. Dios mena, Alpha Mia. Mais pourquoi boi qui bolingo na ngai? Na placard ya oubli. Ba espoir na ngai koti prison ya makala. Libere ngai pona za na ngai innocence. C'est notre droit de s'aimer. Mama yo yo. De se serrer. Mama Solange Mukiadi Chantal Fuji La Beauté Seba Kate Golf Kizola Amperel Ta présence est là où Sylvira Saloma Indombe. Docteur Opti Kalunyama, GG Photo, Willy et Mike Mukiadi, Mireille Mukiadi et JP Matoko, Béroge, Belembe, grand frère. L'ami de chef d'État africain, José Mwete. Mwete. Bana chambre du commerce. Je salue Janon Petros. Bijou Bilomba. Pasteur et Diyombo. Patu Simba TTC, Francis Roy de Gaulle, Jean Citéla, Ati Gigolo. Anissé Boulabama, la sauce est valable. Anissé Boulabama, Robert Lobota, Patoulé Namon qui va faire Makeda. Directeur Kikwa, Atanase Apongi, Nazali Kolotayo, Acha Brando, Komanae Komano Sambo, Soukali Namon Okolo Kolamie. Yeba Sisa, Deki Dekisha, Jombo Fosino, Ricardo Pilou. Yeah, yeah, yeah, mama, la de l'okolo ya mama. Yeah, yeah, yeah, Nise, Boulabanga, Olinga Koseka, Olinga Lisano, Kofinga Beko Tongo, Koyina Bato, Eba ya Nise, Boulabanga, Ekila. Yeah, yeah, yeah, mama, Alain Kelo, garçon complet. Ozana kati mukemu na nafunguli motema nango pe makanisi matimina na pesi bolingo jitibi lomba jwezi tiangane Landry Futila Stanislas Anel Kalvwezo Anise Boulabamba Jiklon Zili Yaka basan kitoko otungi sandangi na bakale bolingo na pesa batu mingi ziko mayeye. Nadia, gente que na mi kitisi lokola etoko na ma Sénégal. Patrick. Le Blanc Makamba, Jojo Kama, Alain Samuna, Diane Iyoko. Na moto kinde yoko soa, Mubiala Mayimbi ako soa, Kibosone ako soa. Na moto kinde yoko soa, Vincent Mandala ako soa, Jetu Kipanda ako soa. Na moto kino oko soa, Francis Bonso ako soa. Tiki Toto Ti, Junior Bongongo, Kamsi Kapangal, L'homme à la Rolls. Riki Toto Ti, Feli Mubiala. Allez, on m'en débrouille dans ce qui pose. Héritier Scram ou elle n'y casse pas yaka. Samy de la plaine dans ce qui pose. Je sais que tu as envie de te trémousser. Viens, on va danser ensemble. Et je sens le moins genre. Déplique, Mayasika, vas-y. Oh, kamwanite soko moninga na anzela. Nazole langa ye, dolimo ye ye ye. Lima kamokobo yangate, omi. Piske yo pimelinga, pimelinga. Réchouman pansi. Moutoubo, bimana la lite, bako shema. Nambé bandela mokini, popa basi nanga ye, manama. Soupase komi konike na kende wapi na nuka nani na landa nani na kuna nani ye Goreti Ali nali nali nali nali nali Kambemi Ali nali nali baka mbona lili Obenga oyo kai ozo benga yoye Keme yo kasai ngote ningana Tukela nga potera meme langa mokumbo yo Nene Efifi Wechi Oh Belizele Kiko Bokolo Nikolo Nyaso Donase Na Maboko Famasye Kominze La Toilette Hopitele Kominze La Yawende Maninga Kitunga Eme Magabundo Yangaze Mabago Senga Gamele Site Ata Ole Siye Sakya Pondu Yego Mema Ye Musikate Nibatalia Makana Apeo Yode Kasita Babi Kolo Nyaso Dye Dima Mabaka Marande Na Singa gasi makolo taba kupaga singa yeti kalaka gasi boli mwe me mi ngazodo me mi boli mwe me mi mote me me mi ye yoke na nga wapi boli mwoti gobeta nga ye Clarisse Mondele nasali mwana moto ne polo kola yoye mama na Gladys Champion Ibina Lima Mwaname Titi Nasina Kakayo Sokuta Falakate na montre kotala Mwa paye baka na yeta mwa yetani Kole lata Kokoriko Mimi na Kolombo Mimi Chikeva Malolola Kongoleze Nana Lutula Sylvie Kassongo Sikase Mireille Kaseka Joey Star Bagato Yo sa vinanga Eli Kuleku Yo moto lo bakena na suki epa na yo epa yo ke yo ke koluka nini lima epa yo ke yo ke koluka nini kambo zonge langa chéri poste mezo kukou toya la chère de ma chère Jackie Ekedi poste mezo ya lima kambo Anissa Botuku ya Patrick Je ne manga mamile la Steve Kuba Pierre Tevele I love you bébé Jessica Nanga Amoni na zako luka Ona pesa nano na yo Affection ya bolingo Memi ono na linga ika Kake ba chakani Muzika na ngaliwa Mala koka tosa yo Petita pili pili Bachuku Super bolingo no na melaga Na buku taka baby Na moto na zalaga na yo na shamba na pale Na moto na pesaka yo bilengi Oyo lingaka Salaga ta plaisir Yanga to solo langa na yo lima Kamo na baby to ninye Jacqueline Dalla Lima na samwe to ninye Pesa na moto anzoto no Zoto se kie kedie zalaga na mwe zalaga plaisir Maya Natasha Junior Nemba Lemba Maye Pauline Mama Albertine Ngiam Marius Munga J'ai pas mal. Ah. Hey. Le grand ambassadeur Oulama Keita Blaise Lenga. Bolingo Oyo, ya j'ai pas moka. Nane lile nini, zongani. kasi baposa na kike libala ya bato bakota kate depuis na zongana na yo jampa mwaka na zoui resulta ya la vie na ngai matula suba bolingo na biso esendi mamaki na miso ya nzambe Ba prédateur, yamour nangai na yo. Papa Maurice Kingesso. Amour est à la kaseko batomi balé. C'est des sexes opposés. Et à la kanaba caprice, pe ba surprise na yango. Mon amour. Mouteba François, Mimi Dibalo. Libala na biswe zalina étoile. Robert Somao Edwin Love Kelly Sungu Bitovin Yombo Germaine Alita Chamala Haneli Kolanda Landa Landa Teo Obalobi Balobaki Ma prédateur Yamona Bisso Bakosila Teo Yeah yeah Patrick Chalala Moi dessus, moi dessous Toko le canadre lae Ba parasite, bazali teo Ba kolou kaye Mba na yon toka buwana Basse liko sepe la tenga ina yo Tozongani Adra da luye Basse liko sepe la tenga ina yo Tozongani Dino Makanzu Jérémy Amene Lansne Badiata Qui profonda Fais ton notre amour Ouera son nesi de Jimampata Gigo Kaila Maître Vince Gomez Aleika Manga Mireika Sika Delbide Gigo Soua Georgette Matongi Kolanda Teo Balobi Balobaki Godard Motemona Claude Kamanda Fligence Kadilou Médard Moukouba Stanim Vuela Fais ton notre amour Fais ton notre amour Sika Loboko Fais ton notre amour Ya Colonel Van Fais ton notre amour Armand Tsosa, les Juifs Belinda Mosesia, Guillaume Ngwang Olivier Maleba Didier Masaya Malo Kakila Gimbiange Marie-Paul Taï Odapani Kike Moulumba Le Soft Bakale Angolo Jano Petrolin Koi Loma Cigar Boa vida Christian et Betoko Mimi la Yveta Trésor et Issa Safiteza Matou Fédéral Jean David Gambote Boa vida Papa Mounabi Didit Kinoani Ayorere Kiero Mombo Dani Technicien Soule Mwana La Tozo Kama Tresi Soum Mboka Gaso Mavum. Don't let me down, please, I'm begging you. You are my angel. I never see a girl beautiful like you. You know that I mean it. I don't wanna lose you. Please come back to me, girl, darling. Santina, coréen. Non, quelle surprise. Général Ndenge, Igolo Ndele, Yoka Bana Temple Zama Yasika. Gilin Kidoumou Yebi Sanga Soki Motema Na Yoyeza Kaka Polele. J'en cite là. Babutu nanga nyonso na kolala kate se kolota kayo ile kidumwe. Francis Roy de Gaulle. Et pourtant serment na sala na bandoro to nanga yo sala toujours le bienvenu. Mama binga ebisanga soki motema na yo eza toujours polele. Babutu nanga nyonso na kolala kate se kolota kayo. Lolita sona Paris. Yebisanga soki bolingo eza na motema na yo tope bangi na yango na bimeboye mama juro kozwa beze ya mada na monoko ekosilisa elengi ya bolingo na nga salelanga liboke ya bolingo mavinga etope ya supu olambango na mungwa ya basenzi bongo tya na mesa wana okomona na koliango na lokoso po ebake na loba yo soki bolingo na ezalaki na momoto ya likelema ningaki na lia moto liboso ebongo na bimisa mobulu likelema na esila bayebolakisa poisaki mpe lolango na bafutelaka yango mpakue ngai mobola na zangalome kosoma kitanse ya mbula matari fiston lukumina elemasi bakangama batema na boloka bolingo balingaki bajuge na kriminele ya kayango. Madame Fomba Bibula, Sharon Koki, Narcisse Djempo. Je ne ferai jamais le colabo, Mokili Balé, la Kamoué, Zouadé, Kassiaké, Délibé, Olivier Lounianga. Nazoka, Mola, Mouchoya, Miami, Sele, Lissi, Mafé, Mabinga, Esse, Koba, Mola, Odemi. Michel Lutumba. Nazo, Sabe, Lango, La Chapelle, Oyo, Eza, Asira, Sabo, Kiswa, Espoir, Olimo, Langue, Pousse, Poua. Un jour, Léon Chaumba, papa na Maria. Nabeli, nabeli, bopo na bolingo. Esko yebi kozali me de se traite nangai. Yonde wana le fine di kere nangai. Nazobela wa bopo na bolingo. Nazo kokate magi fati kile kidumu. Kawa nazo nyoka mapo na love na yo. Oh, bienveni kusu, merci tumba. Elako ya bolingo kela yango komplike apesanga moto devoir maluka nani malonga nina ba nama masusu na luki na si oyo apondelanga te epesaka pasi epesaka mwale osai na mitema nonganga oyo pasi nanga nani malonga nina ba oyo nyonso etumbu marse mokelanga Misha Lutumba Dadi Luciano Zalima zina nga yanzo tunamesa na kobondela yo. Maso yo sala kinga na limbi siye Charlie Masoso na limbi siye Pichumbo moneta zini swabango. Attention na maloba nyo koko ya koko maeva. Nenge na lula yo kajo malwa na lamu ebo e vraiment. Moto ya bolingwe tumbi na molima na we. Pamba na susino Bote doze na ye Lokola pousa na benga kaye Apokalipse suka Biblia ya wakela ye Ponanga Baudry Campo Blanche Kinoana Fiston Moutoke Orlien Bikoko Maa Kini Jarul Alili Kiamwangana. Yanda motema nanga sivi yanga e Bolingo e la mama na mosaka yambila junior Ungongo Lanyo kwa mye mutime la mundwe Yanda bolingo na yo e asoselinga Tanga samu santima e komide Kalusha kutumana Yanda bolingo na yo e kobo mwana lisa siye Kanye bo mama kile kidumu La distone mopila Serge Timba Denge bolingo na yo e asoselinga Dakiba Ford Tanga samu santima e komide Star Leta Yanda bolingo na yo e kobo mwana lisa siye Kanye bo mama kile kidumu Cheche Chernobyl Kasamoto Didi Kinwane Jano Kakuya Martini Roko Miss Bomolo Coco Rubenga Cardozo Mamba Elenina Bobina Talanga la Miss C'est vrai Amigo Tieni Tabwana Nenge Bolingo na yo e asoselenga Là où est le cœur, le pied n'hésite pas d'aller. Voilà, si Andongala. Prof. Witt Munongo, Général Jacques Ilunga, Romino Makasi, Serge Kayembe. Alain Soudi Simamoto Francisca Ilumba Ridash Nzinga Souviens-toi na maloba na yu ya bolingo Oyo zala kyo lobelanga matin midi soir Zila Alain Koutou la zanambongo kasi yon yon kola ye Bebe Ritiana, la na démarche na ye ya talo soki alati kituku il faut kaka balula ye ana lingi ye oriso mokana papa na mama bayebisaki nga binansi ekenge na la vie kotambola na nzela banzube te mpofi ya mobali basekaka te nazalanga balanse te mpo namonisa baninga pasi mabe nyonso ya mokili ekofuta makao nse Papi, ahí es en ahí, pa' chico. Nigerland aye na katia maya sika mote maya tova milando Chantal ya Jacques Mbunda Yves Kisombe. Lionel Messi. Bosco Mobali. Doris Kanza. Ezo Mambo. Docteur Guy Kilunga. Jano Kabuya. Alina kayo mingi Switzerland. Nakani sakase na debi. Esengo nangeza la kito vanda biso mibale. Bason kito. Ale jango ezali fontete. Verite valo baka nyonso te omwa sinyo. Salina kaka kase mwa kolo. Papi efomi iyoka. Nalinga kayo mingi Chantal. Nakani sakase na debi. Esengo nangeza la kito vanda kino liwa. Viviane Badeu. Ale jango ezali fontete. Verite valo baka nyonso te omwa sinyo. Salina kaka tendresse. Merex International de Bruxelles. Eric Munga ya mama nanu. Jean-Willy Bonjala. Docteur Jean-Pierre Kabea. Yuyu Cathédrale. Godé Mayenga. Tuna. Eva la Moussaï. Eric Ndal. Adolphe Simba Nangola, Sandrine Kombe, Gali Esthétique, Maître Chabert. Kabala, Afandi, Kitanda, Dani Chandiran, Mako, Pius Bukasa, Jacques Chikia, Kaska Sirika. Tu m'avais promis l'amour infini aujourd'hui, pourquoi tu m'as trahi? Ah, la Bible est valable, mon tassangi bolinga, comme on en zambete. Yewana moto mabe, a comme on en zambete. Chanta, la beauté, allez, jambo, aleli. Yo chiffonne vraiment, bolinga, na yo yo yo yo. Yo dévoré sentiment, nanga mon amour. Na lobby, pouye salinga, passe na moti mae. Ndoya mama, talo lukelinga malheur. Natika la neti. Y'a quoi rose monte malanga richement assis. Si de jima pata mama n'exauce na gladi. Richard Nzakala. Na ta kabina nana nza mini tamacha. Lisi baba total continental na kati. Zadi na bolingo po woni nye. Ifona betina monte mana yo fungo langa ye. Jojo mu ya kison de kones. Ata bakemba. Yeba phenomen yama. Yiko mata kukiba gana kaya na tombiti. Foyo balusa ye raka abaluti. Chene, chimana, mamba, kasi, Représentant légal Mokonza Bandal, professeur Polo Santa, Christian Biri qui c'est la classe. Michel Coco, mes Coco, Pierre Thomas, Aimé de Zola, Pem Vuelas. Germain Vandi, Gelor Masungi, Mohamed Makwisa. Chambales na bolingo na kaliso lingo kaka Kanditu Sevo Polo Santa, Oda Mouke je suis Jignon Ilunga, Dede Mouke Nisoli. Zongi sa va plaisir Lando Mujinga Chaka. Fabien Universal Yousali Bomo, Kevin pe ma banzo osana yo na motema osini na noteo Frankie Dumu, le seigneur de Washington Pomemi mwinda natikali molilio zonga kongengisa territoire nanga Alice Baba oyo tiki molili ayoko kuma kana mboko Charles Mapuya makoko nanga na londe Magi kole nanga wa molimo Kofukate langa likambo yo Viens tout près de moi Guéris ma douleur Reviens, chamara nga mtara Igo kanzambi soko zala kikaka na bomo Pero bone langa alisi baba nanga Ele binda oza wapyo Andi manaka oza wapyo Alisi baba nanga Vremo tikinga Balado Poni ni boyeo Natikala Eteni ya pamba ya nzoto Aliso ke Otike ningaba Susio Nakua nakua Alisi baba Oyo nanyoka amela Ozama abe Lelo demenaje yo moko Tiki nga yo Ondimi bambula Kake pe malili yeko Mamulonga nina yo Alice Baba Ya blese lenga de Brazzaville Lobali lobali yoko Ponga na bikaye Zali pe mosikate Sepembeli ya lole mona yo Nasengi nanga pe Overdose ya bolingote Mefis kelitanga Ponanga na monye koki La kisa ya varsin apolio libo suete motabika E sengi se goutele te bibale ya ki Baba pesanga ya go Richard Kabala le 36 Guéris ma douleur Guéris ma douleur Ayo bolingo nanga Anana libela Guéris ma douleur Agali ame inanga Alice, Olivier, Brenda, Alice, Lancy Viens tout près de moi Dans mes sons qui sont tous copés Reviens, je vais l'air ma porte Chico Tumba Nango Aïe oh yo Kikita Jalanga, Santé, Moté, Maya, Mama, Chantal, Mata, Tissio Reviens, aïe aïe yo, Mada Papier volé, Mama, Céline Mongratana a offri biso cadeau Andi Manaka entre autres moda de Matrabanga Kevedo Diaz, Vanessa Awayokeri otike linga nini kulwa makambo Yonde na teki mote mapoto banana yona lavi Wali Wanas, Musa Kalema Nela maya piyo kitisa mote ma Lala pongi peyo banzanga Viranga esa na kanje Makambo le kulwa Et papi yogo Lelo zanza eboi Kobima ela kisi nini Flavia Mulumba Sukali Ata mwese mokote Bima kiyo likolo Mimbo langa Omar Lenoir Susi ekomi kome manganze la ya Lilita o Makambo le kolo Dake o kikushi Eske o rezone Mitiane stiga na Gilemi Lambo Costa Seki Wapi yo deveni kamba Tufaniye Kebedo Jazz Aradola Nalinga Mwanga yo papi bolo wae Mwanga motema ya Gigi Kakatuku Magina Solange Mayuma Lukasi Foto Ekiri Nokia, Ekiri Vietnam Sawa papi bolo anako kondo Papi absence prolongé na yo Na moni eko bete la maliwa Vile Pambani Walingo, ezali malabia ezanga kisi Oyanga remete consolation Joli kamba Oye bianga bien que na katia Bolingo ba jalou ba zanga kate Ma komia luka ba kabola bisa Yope omi pesi Roja ni bolingo nangaye Okabina Michel Miguele Magima yuma na ya wana Komi mitele nano oye Gouvernement sous le béton O maître chico lobela matali loba mosi Yebi sanga na yeba Soki na salaka na tima na yo Oldi mbanda susi na lala kateho Elo boli mwe bongwani Komi loko la lifelo Chocho kamaranga Anga mama yebi seki nga Na kene kela sinaboyaka Adiye na lobaka na nga Na koma nga nga zame na boyaka Sepa na zala pemeni na yo Papa chisupa na biso Lelo to Moi, non, je me dis la bandila. Ton coco, il y a même un beau jamais. Il y a des vents, mais Suisse, José. fumi. Marina Moana.